Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Lost in La Mancha, le Don Quichotte maudit de Terry Gilliam. Désolé pour ce long silence. Après 17 ans, nous avons terminé le tournage de L'homme qui tua Don Quichotte. Muchas gracias à toute l'équipe et aux croyants, Don Quichotte est vivant. C'est par ces mots postés sur sa page Facebook le 4 juin dernier, dans le style lapidaire et ironique qu'on lui connaît, que le réalisateur Terry Gilliam met fin, enfin croit-il, à une malédiction qui dure depuis près de 2 décennies. Au début des années 90, le cinéaste anglo-américain décide d'écrire et de réaliser une adaptation du monument de la littérature espagnole, le Don Quichotte de Miguel Cervantes. Commence alors une incroyable épopée faite d'échecs et d'espoirs, d'ambitions et de désillusions. Une histoire de création, comme seul le cinéma peut en écrire, où l'on suit toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'un long métrage, de l'écriture au tournage, en passant par la production, où l'on mesure, depuis les coulisses, toute la difficulté de cet art, dont l'histoire jalonnée justement par ces films maudits. Et puis dans ce récit, c'est comme si les destins de Terry Gilliam, digne représentant d'une certaine idée du cinéma et du héros de ses rêves, Don Quichotte, se croisaient. De cette aventure est né un premier film en 2002, Lost in La Mancha, réalisé par Kit Fulton, produit par Kickset Film, sorte d'anti-making-of, puisqu'il raconte l'un des nombreux abandons de ce projet au long cours et dont vous entendrez des extraits au fil de ce récit. En seconde partie de l'émission, nous recevrons Michel Marie, historien du cinéma, auteur du livre « Les films maudits » publié chez Armand Collin. En 2010, il nous attend dans les studios de France Bleu Bourgogne à Dijon. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonneuve et réalisée par Fabrice Laigle. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Thank you for being here. Merci d'être ici. Terry to be here. Merci à Terry d'être ici. We are here just to, on est ici pour annoncer officiellement que l'homme qui tua Don Quichotte suit son cours. Je pense qu'on a trouvé le chemin pour arriver à la fin. To arrive at the end. Mai 2016, Cannes. Du plus grand festival du cinéma au monde, on connaît le tapis rouge et la montée des marches, les célébrités, le jury, la cérémonie et la palme d'or. On parle moins souvent de l'autre, Cannes, à l'arrière-plan, ce marché où les films s'inventent, se font, s'annoncent, où des réalisateurs tentent de séduire des producteurs avec quelques phrases sur un nouveau projet, où ces mêmes producteurs sondent ce flot d'idées auprès des financiers et où les distributeurs donnent, ou non, leur aval. C'est de ce côté-ci du festival que se joue notre scène le 18 mai 2016. Ce jour-là, il y a du monde à la conférence de presse censée officialiser une information qui agite le petit monde des cinéphiles depuis quelques semaines. Dans le salon cossu de l'un des nombreux hôtels cannois, les deux hommes qui s'avancent ont une sacrée renommée. Le premier, costume mal ajusté, chemise blanche froissée et légendaire moustache, s'appelle Paolo Branco. Il a 66 ans, il est producteur de cinéma, d'un certain cinéma. Celui des auteurs, exigeants, ambitieux, difficiles à produire. À ses côtés, sandales aux pieds et scandales aux pieds, chemise à fleurs et sourire aux lèvres, se tient Terry Gilliam, réalisateur anglo-américain de 75 ans. Dessinateur et acteur, il a commencé sa carrière dans les années 70 avec la troupe des Monty Python, qui s'est fait connaître dans une célèbre série télévisée anglaise, puis au cinéma, en 1974, avec un film co-réalisé avec Terry Jones, Monty Python, Sacré Graal. Premier essai, premier succès, et depuis 40 ans, Terry Gilliam en solitaire bâtit une œuvre singulière à travers des films comme Bandit Bandit ou Brasil. Des films dans lesquels il déploie tout son imaginaire, son inventivité, ses projections rêvées ou fantasmées. Oui, mais voilà. Comme souvent dans ces cas-là, cet univers s'accompagne d'une certaine réputation. Celle de Terry Gilliam s'est dessinée en 1988 avec le film Les Aventures du Baron Munchausen, mal préparé, piégé par le producteur. Le tournage fait exploser le budget, l'échec commercial du film écrit les premières lignes de la légende Gilliam. Une légende noire, de réalisateur fou et incontrôlable, incapable de respecter les délais et les budgets. Malgré les succès au box-office et dans la critique, difficile de se relever quand Hollywood vous peint un tel portrait, il vous colle à la peau. Bon an, mal an, Gilliam continue tout de même à faire des films. Et ce 18 mai 2016, c'est le projet d'une vie, une idée qui lui trotte dans la tête depuis 15 ans, à laquelle il s'accroche coûte que coûte, par défi autant que par désir, malgré la malédiction, malgré les tentatives qui se sont soldées par autant d'échecs. Une idée, comme les aime également Paolo Branco, le producteur. Ce 18 mai 2016, les deux hommes l'affirment avec la confiance qu'il faut pour porter ces projets fous. Cette fois, c'est la bonne. L'homme qui tue Don Quichotte, l'adaptation de Cervantes par Gilliam, verra bien le jour. Bien, mais quel est donc ce projet? Pourquoi Gilliam a-t-il échoué depuis tout ce temps à le réaliser? Pourquoi s'accroche-t-il? Pour comprendre, retournons sur les traces de ce film maudit. Don Quichotte m'a surtout frappé quand j'ai atteint la quarantaine, car je trouve que c'est le sujet de l'œuvre. Le dernier sursaut d'un homme qui a toujours mené sa vie avec responsabilité et raison. Il n'a pas vraiment vécu et soudain il se met à lire. Personnellement, j'ai toujours adoré les livres. Ils sont dangereux, on est transporté dans des mondes que l'on finit par croire réels. Je suis un réalisateur un peu Don Quichottesque. Mes projets sont souvent invraisemblables et impossibles, mais j'essaie de communiquer l'idée qu'il y a différentes façons de voir le monde. Tout commence en 1991. Alors qu'il s'approche de la cinquantaine, voilà que Terry Gilliam a une vision. Et s'il adaptait Don Quichotte ? Considéré comme le premier roman moderne, l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Mancha, écrit par l'Espagnol Miguel de Cervantes au début du XVIIe siècle, raconte l'histoire d'un gentilhomme, Alonso Quintano, obsédé par les livres de chevalerie, au point de se prendre lui-même pour un chevalier errant, parcourant l'Espagne au secours des opprimés avec l'aide de son écuyer Sancho Panza. Plongé dans l'illusion, rempli de vision, le vieil homme voit des paysannes en princesses à défendre et les moulins à vent en géants à combattre. Derrière le ridicule du personnage, Cervantes dresse la parodie de l'idéal chevaleresque et critique du même coup les structures sociales de la société espagnole du Moyen-Âge. Parodie, critique, réalité baignée de folie, quand on connaît le cinéma de Terry Gilliam, l'association tombe sous le sens. D'ailleurs, le cinéaste se reconnaît dans le héros de Cervantes. Comme lui, en effet, il a le sentiment de ne pas avoir réalisé sa grande œuvre, celle de sa vie. Comme lui, il veut se perdre dans les mirages. Alors, ni une ni deux, il se plonge dans l'adaptation du roman. Une fois la première mouture écrite, Terry Gilliam en parle à un producteur. Persona non grata à Hollywood, il se tourne vers Jack Ebert, un Canadien dont les bureaux sont à Paris. Ce dernier met le réalisateur en contact avec une nouvelle société de production, française, CB 2000. Sans doute emballé à l'idée de travailler avec le cinéaste, la société s'engage à hauteur de 25 millions de dollars, avant de changer d'avis quelques mois plus tard. Bon, Terry Gilliam encaisse, accepte une proposition de film, L'Armée des 12 singes, et met, pour le moment, le projet Don Quichotte de côté. De toute façon, comme il l'explique, il n'est pas très content de ce premier scénario, non, il manque quelque chose. Mon problème était de l'adapter pour un public moderne. Don Quichotte fait référence au retour de la chevalerie au XVIIe siècle. Pour un public moderne, le XVIIe siècle et le XIIIe siècle, c'est pareil. Personne ne fait la différence. Et voilà, un type en armure qui vit à cette époque et qui parle d'un monde passé dont la plupart des gens n'ont aucune notion. J'ai donc pensé qu'il faudrait un lien moderne dans l'histoire. J'ai donc eu une grande idée. Pourquoi ne pas envoyer un homme du présent au XVIIe siècle? J'y ai beaucoup pensé. J'en ai parlé autour de moi et je me suis de nouveau éloigné du projet. Terry Gilliam n'est pas le premier réalisateur à vouloir adapter le roman de Cervantes. On parle même, dans le monde du cinéma, de romans maudits, car ils sont nombreux avant lui à s'y être confrontés, sans succès. Le plus célèbre d'entre eux n'est autre qu'Orson Welles, qui commence à tourner une adaptation en 1955 sur ses propres fonds. Interrompu à plusieurs reprises, reprenant le tournage au Mexique ou en Italie jusque dans les années 70, montant plusieurs versions successives sans qu'aucune ne lui convienne, il mourra avant d'avoir pu terminer son Don Quichotte. Pour Gilliam, c'est en 1998 qu'il renoue avec le projet. Après le succès de l'Armée des Douze Singes, il enchaîne avec l'adaptation du roman culte d'Hunter S. Thompson, Las Vegas Parano, sur lequel il fait la rencontre décisive du scénariste Tony Grisoni. Avec lui, il travaille sur une nouvelle version de Don Quichotte. Et cette fois, il a trouvé la clé. Un montage spatio-temporel, principe qu'on retrouve dans plusieurs de ses films. Le nouveau scénario raconte donc l'histoire de Toby, un publicitaire cupide d'aujourd'hui, qui se rend en Espagne pour le tournage d'un spot de publicité. Ce film promotionnel met en scène les personnages du roman de Cervantes. Sur place, il fait une chute et se retrouve projeté dans le passé aux côtés de Don Quichotte qui le prend pour son écuyer Sancho Panza. Cette confrontation des époques permet à Gilliam de renforcer la présence de son univers dans celui de Cervantes, d'affirmer une fois encore ce lien ténu entre l'œuvre de l'Espagnol, son héros et sa propre vision du monde à 4 siècles d'écart. Cette fois, son scénario, il le tient. Exterior Spanish hilltop day. In black and white, an ancient stone windmill spins slowly in the breeze. Don Quixote appears, gaunt, aged, a madly fierce gleam in his eyes. Stand your ground, foul and fearsome giant! I am Don Quixote de la Mancha! L'homme qui tua Don Quichotte, c'est le titre de ce nouveau scénario, sorte des défis lancés à Cervantes et à son roman maudit. Cet homme, c'est autant le publicitaire que Terry Gilliam lui-même. Affronter dans un duel et tuer celui qui le poursuit depuis toutes ces années, le faire disparaître avec la seule arme qui vaille, la caméra, la belle affaire. Non seulement le réalisateur est satisfait de son script, et il est emballé parce qu'il a trouvé l'un de ses acteurs. Pour le rôle de Toby, le publicitaire, avatar de Sancho Panza, ce sera Johnny Depp qu'il a rencontré sur Las Vegas Parano. Ce dernier est ce qu'on appelle un comédien bankable sur lequel on peut bâtir le financement d'un film. Et puis sa femme, l'actrice française Vanessa Paradis, a aussi donné son accord pour le rôle du personnage féminin. Voilà, un couple de vedettes glamour dans la vie projetée à l'écran, quoi de mieux pour attirer les financiers? Reste à trouver l'interprète de Don Quichotte. Cette mission, Terry Gilliam l'a confiée à ses directrices de casting, Irène Lamb. Passionnée par le cinéma français, cette dernière tombe sur une comédie de Pierre Salvadori, Cible émouvante, dans laquelle Jean Rochefort joue le rôle d'un tueur à gages. Et là, pour elle, c'est évident, il ferait un magnifique Don Quichotte. Rochefort, 68 ans, la moustache, le côté longiligne, les yeux qui pétillent, tout cela lui donne un côté vieillesse enfantine qui colle parfaitement au héros de Cervantes. Terry Gilliam ne connaît pas l'acteur français. Il accepte de visionner plusieurs de ses films et tombe lui aussi sous le charme. Il propose donc le rôle à Jean Rochefort, ce dernier raconte. Moi, quel goût du canular, j'ai vraiment pensé à une blague. Rochefort, je ferai enfin Don Quichotte si vous acceptez de jouer le rôle. J'ai immédiatement pensé à un copain qui était en train de faire une farce. Et le lendemain, c'était une soirée de César, Terry Gilliam était présent. Il s'agissait d'une chose réelle. Je trouvais, avec l'objectivité qui me caractérise, que c'était merveilleux et en même temps que c'était une bonne idée de la part de Terry Gilliam. Je pensais que j'allais bien jouer Don Quichotte, en tout cas selon l'envie que j'avais et la manière dont j'avais envie de le jouer, à savoir un homme n'ayant jamais eu de relation sexuelle et qui se considérait donc comme un prince charmant et comme... un amant potentiel et que mon physique se chargerait du reste. Donc j'avais ma route, j'étais tranquille de ce côté-là et je suis parti avec un enthousiasme délirant. Le casting principal étant bouclé, il faut maintenant convaincre les producteurs. Comme d'habitude, les visions du réalisateur sont ambitieuses et au cinéma, qui dit ambition dit budget élevé. Pour ce film, il est estimé à 60 millions de dollars. Pour Gilliam, c'est clair, il trouvera le financement en Europe. D'une part, il sait pertinemment, même 10 ans après, que le studio américain ne s'engagera jamais sur l'adaptation d'un roman européen du XVIIe siècle, surtout s'il est réalisé par celui dont la réputation est largement ternie, et puis parce qu'il sait que les Européens, surtout, laisseront plus de liberté. De surcroît, Terry Gilliam tombe au bon moment. En cette fin de décennie 90, la Grande-Bretagne s'est décidée en effet à investir et produire des films plus ambitieux, quelque peu agacés de voir ses talents nationaux fuir vers Hollywood. La clé pour conquérir l'Europe, c'est de convaincre des partenaires dans différents pays. Alors, Guillaume se tourne aussi vers la France et trouve en la personne de René Kletman un interlocuteur attentionné. Ce dernier est un producteur réputé, rompu aux films ambitieux et chers. Il a notamment produit Cyrano de Bergerac et Le Hussard sur le Toit. Pour René Kletman, c'est une idée en particulier, oui, qui le convainc de se lancer dans l'aventure. Moi, j'ai été, au fond, bien qu'un grand fanatique de Don Quichotte et de Terry Gilliam, ce qui m'a réellement fasciné, c'était le choix de Terry Gilliam. C'était son idée de faire appel à Jean Rochefort, que je trouve une idée lumineuse, quoi. C'est ça qui m'a tellement attiré. C'est l'idée qu'un metteur en scène anglo-américain pense à Jean Rochefort pour jouer le rôle de Don Quichotte. Et ça, ça m'a ébloui. Donc, ça n'a rien à voir avec l'amitié que j'ai pour Jean Rochefort. C'est un choix esthétique, je trouve, extraordinaire. Enthousiaste, Kletman explique aussi toute la difficulté à financer un tel projet. Le budget moyen d'un film français, par exemple, c'est 5 millions de dollars. Et le budget moyen d'un film européen, c'est inférieur à ça. C'est en France qu'on fait les films les plus chers en moyenne. Donc le cinéma européen n'est pas du tout fait pour financer des films aussi chers. Sauf lorsqu'il s'agit de films nationaux à forte capacité populaire dans le pays où il est financé. Là, il s'agit d'un sujet espagnol fait en anglais, par un réalisateur anglo-américain, avec un acteur américain, un acteur français, c'est extrêmement déroutant pour des financiers. Pendant plus d'un an, le tour de table continue. Petit à petit, au gré des discussions et des négociations, des promesses et des désistements, Terry Gilliam finit par réunir un budget de 40 millions de dollars. Ce n'est pas suffisant, certes, mais bon, ça fera l'affaire. Il revoit certaines idées à la baisse et convainc un producteur allemand indépendant de boucler son budget. Finalement, fin juin 2000, à Londres, dans les bureaux de pré-production du film, l'atmosphère est heureuse. Une date de début de tournage est fixée pour octobre, en Espagne. Terry Gilliam touche enfin au but. Son rêve, qui le poursuit depuis 10 ans, est en passe de se concrétiser. Dans ses bagages, il propose à deux réalisateurs, Louis Pepe et Kev Fulton, de l'accompagner pour réaliser un making-of de son travail. Tout ce petit monde ne le sait pas encore, mais dans quelques mois, l'onde maléfique de Cervantes viendra de nouveau s'abattre sur eux. Je ne suis qu'un trucage humain en voyage vers l'Andalousie, le Pérou. Les paysages se dessinent comme des spaghettis western. On raconte qu'aux États-Unis, une vallée est morte de jalousie de l'Andalousie et de ses spaghettis western. Oh, Andalousie, le pays où les femmes regardent droit dans les yeux, le soleil sans lunettes ni autre trucage. Droit dans les yeux, je ne suis qu'un trucage humain qui voudrait devenir un homme. Sans trucage à mon âge, le truc parfait serait d'être considéré comme un homme. Un vrai, un grand, un être humain de mon âge. Un humain sans trucage. Je ne suis qu'un trucage humain, j'ai croisé sur mon chemin un humain sans trucage qui rêvait, cela dit, jour et nuit, d'en devenir un. Pourtant c'est lui qui me donne encore aujourd'hui la force et l'envie de rester parmi les humains d'aujourd'hui. Oh, encore et encore, j'ai dit merci à celui et ceux qui, comme lui, lacèrent les cieux de mille feux sans artif. Puisqu'il se glisse dans un livre, un regard vous tape sur l'épaule pour vous dire vas-y. Andalusia, onda, onda, Andalusia, onda, onda, Andalusia, onda, onda, Andalusia, onda. Nous avons rencontré, vous en entendrez sans doute parler, le seul Allemand aussi fou que Don Quichotte et aussi menteur. Il semblait persuadé de pouvoir nous donner la moitié du financement pour le film. À cette époque, le film avait un budget de 35 millions de dollars, peut-être même plus. Cet Allemand, avec son financement, nous promettait plus d'argent chaque semaine, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne l'aurait pas. Et tout est tombé à l'eau. Nous sommes en août 2000. Terry Gilliam vient d'arriver à Madrid, où se trouvent les bureaux de l'équipe pour la préparation du tournage. Or, depuis 3 mois, l'ambiance est quelque peu tendue. En effet, quelques semaines après l'annonce de la date de début de tournage, le mystérieux producteur allemand s'est retiré, et avec lui, le budget a été divisé de près de moitié. Tant pis, se dit Terry, il va réaliser son envie, même au rabais. La force de l'art le guidera et transcendra ses embûches mercantiles. L'équipe de production s'active pour réduire les dépenses et rationaliser ce qui peut l'être. Le problème, c'est que dans ces conditions, le travail de production est largement perturbé et la situation plutôt chaotique. Liste non exhaustive des soucis. Les accessoires pour les costumes sont prêts, mais lorsqu'il vient les voir, Terry Gilliam réalise qu'ils sont de piètre qualité. Les masques des figurantes sont toujours pas arrivés et sont bloqués en Angleterre. Quant au décor, là c'est simple, ils ne sont pas construits. Les techniciens espagnols expliquent qu'ils attendaient Terry Gilliam pour s'y mettre, ben voyons. Alors, entre eux et le réalisateur, les discussions virent au dialogue de sourds, les premiers ne comprenant pas les exigences du second. Pour autant et pour le moment, rien de tragique, contretemps normaux de ce type de grosse production. En revanche, il y a un souci qui lui pose plus de problèmes. Le studio dans lequel toutes les scènes intérieures du film doivent être tournées n'est pas adapté. La production n'a réussi à obtenir que le dernier disponible et il faut peu de temps à Terry Gilliam lorsqu'il le visite pour voir, enfin, plutôt entendre, que quelque chose cloche. On doit mettre tous les décors du film ici. Ah, l'acoustique est dramatique. On a la clim? C'est la clim? Ou juste un truc pour faire un son pourri? Ah, le son, c'est une horreur. C'est fermé, il y a encore de l'écho. Dans l'entrepôt. Comment on va faire? Les plateaux doivent être pas comme ça. Il n'y a pas d'autres studios? Le son, c'est essentiel. Je croyais qu'on venait voir un studio, un vrai studio. Ça, ce n'est pas un studio. Non, je ne veux pas travailler comme ça. Et ça commence à me rendre vraiment, vraiment nerveux. L'injustice du monde ne pèse pas à ton cœur sans choc. Non, pas trop. Tu seras mon écuyer. Je te nommerai gouverneur des royaumes que je ne manquerai pas de conquérir. Le vieux fou. Pendant ce temps, les semaines filent. Et après le matériel, c'est l'humain qui déraille. Le casting, principale force du projet, a l'inconvénient de ses avantages. Les disponibilités du couple Depp Paradis contraignent le planning à être respecté au jour près. D'ailleurs, l'actrice n'a toujours pas signé son contrat. L'inquiétude monte d'un cran. Malgré tout, Terry Gilliam s'accroche. Et il a raison, c'est du casting justement que les bonnes nouvelles arrivent. Johnny Depp débarque comme convenu en Espagne, il a plein d'idées sur son personnage, et vivant une partie de l'année en France, il a pu rencontrer Jean Rochefort. Tout cela est parfait, d'autant plus qu'entre les deux hommes, le courant est passé. Cervantes, je lui dis merde. L'acteur français, pour sa part, se prépare pour ce qu'il imagine être le rôle de sa carrière. Le hasard a voulu qu'il soit passionné d'équitation et qu'il n'ait donc aucun problème pour les scènes à cheval. Comme quoi, la vie est bonne fille, se dit Terry Gilliam, regonflé. Le seul vrai problème de Jean Rochefort, c'est l'anglais, qu'il ne maîtrise pas. Alors, depuis 7 mois, il suit des cours intensifs et ses progrès sont impressionnants. Tout cela est parfait, encore une fois. Jean Rochefort arrive enfin pour les essayages et il porte à merveille la tenue de Don Quichotte, sorte d'armure burlesque qui met en relief toute la malice et les traits ciselés du comédien. Enfin, Terry Gilliam oublie tous ses soucis et lorsqu'il organise une première répétition en compagnie de ses deux acteurs principaux, la magie opère. I'm here to save you, Sancho. Stand aside. But suddenly in the fields of Montiero. Destiny guides our fortunes more favorably than we could have wished ourselves. Look, Sancho, my friend. Le 25 septembre 2000, le tournage de L'homme qui tua Don Quichotte débute. Toute l'équipe a fixé son camp de base à la Bardenas, une réserve naturelle à 4 heures de Madrid, dans un décor désertique, idéal pour filmer l'errance de l'Hidalgo et du Sancho Panza contemporain. Pour un réalisateur, arriver à cette étape, c'est une joie particulière. Quand on sait la difficulté à écrire, à convaincre, à réunir l'argent, à préparer, à répéter, pouvoir enfin saisir les projections, les rêves, pour les transformer en images, c'est un sentiment très spécial. Il l'est d'autant plus pour Terry Gilliam, ce jour-là qu'il considère, rappelons-le, ce projet comme celui de sa vie. Allez, action, moteur, ça tourne. Non. And action, John. Cut, cut, cut. What's going on? Aïe, la réserve naturelle n'est pas si déserte que ça, enfin, surtout dans les airs. On est en fait juste à côté d'une zone militaire. Oui, des Mirage F-16 survolent le terrain sans interruption. Impossible de prendre le son, bien sûr, dans ces conditions. Terry Gilliam essaie de garder son calme et tourne quand même. Bon, il prendra les sons des gros plans en post-prod. Hein. Pour le moment, il faut avancer. Alors on enregistre quelques scènes. Fin de journée, rendez-vous demain pour la suite. Deuxième jour de tournage. À peine quelques heures après l'arrivée sur les lieux, c'est cette fois sur le visage de Nicolas Pecorini, le directeur de la photo, que l'inquiétude se lit. Il ne comprend pas pourquoi la lumière évolue si étrangement. On est passé du plein soleil d'hier à un gris curieux, menaçant. Une fois encore, la météo semble jouer un drôle de tour. Là-haut, les nuages s'amoncellent, et puis bientôt, de nouveau, un bruit se fait entendre. Encore les F-16. Terry Gilliam n'a pas le temps de rire que des grêlons de la taille de balles de golf lui tombent dessus. Et le sol se transforme rapidement en torrent de boue, emportant le matériel sur son passage. Tout s'est passé en quelques minutes. Tout le monde court s'abriter. Faut-il le préciser? Dans cette région, on n'a jamais vu ça à ce moment de l'année. Troisième jour. On constate l'étendue des dégâts, du matériel est abîmé, la tente de la cantine a été emportée par le vent. Enfin et surtout, on n'est plus du tout dans la région désertique et aride filmée les premiers jours, mais dans un coin plus frais et plus vieux. Nicolas Pecorini est catégorique, impossible de tourner quoi que ce soit, les raccords avec les précédents rushs seront impossibles. Cinquième jour de tournage, le beau temps est de retour. On prévoit de filmer une scène entre Johnny Depp et Jean Rochefort à cheval. Bien, tout le monde se prépare, on met en place la caméra, les acteurs s'habillent. Puis vient le moment de se hisser sur les montures et là. Là, Jean Rochefort, pourtant habitué de l'exercice, montre beaucoup de difficultés. Oh, il ne dit rien. Action, moteur, cette fois ça tourne. Alors on fait comme si de rien n'était, mais Terry Gilliam s'en rend rapidement compte. Jean Rochefort ne parvient pas à jouer. Son visage est fermé, crispé. On sent qu'il souffre le martyre. Et finalement, il craque. Oui, il ressent une douleur terrible dans le dos. Il a essayé, mais c'est au-dessus de ses forces. Le lendemain, l'acteur s'envole vers Paris pour consulter son médecin. L'équipe, son réalisateur en tête, sont abattus. C'est pas comme ça qu'on fait un film. Même un petit. Dans ces conditions, c'est impossible. Il n'y a plus rien qui nous pousse. Il n'y a plus de moteur. On attend juste le bon vouloir de l'assurance. J'adore filmer, même si c'est la cata et que ça sert à rien. Au moins, il y a des images, quelque chose qui justifie toutes ces années de travail. Ladies and gentlemen, step up. Oh, step up. I'm Mercury, the messenger of the gods, invite you. À partir de là, le tournage de l'homme qui voulait tuer Don Quichotte entre dans une nouvelle phase. Comme suspendu, s'éloignant de la réalité pour s'enfoncer vers le cauchemar. Le départ soudain de Jean Rochefort provoque l'entrée dans la danse des assureurs. Et ce que tous pressentent depuis plusieurs jours finit par arriver. On diagnostique à Jean Rochefort une double hernie discale. Il ne reviendra pas. Quelques années plus tard, l'acteur raconte ce moment où son corps fit barrage à son rêve. Ça m'a laissé quand même une empreinte douloureuse et en même temps cocasse. Et ça ne m'a pas arrangé moralement. Et j'ai considéré mon corps pendant 2 ans comme une sorte d'ennemi. Parce qu'il avait toujours été à mon service. Je trouvais ça absolument normal. Ayant fait beaucoup de cinéma, beaucoup de théâtre, beaucoup de cabaret, il a toujours été là. Il venait avec moi. On sortait le soir ensemble, c'était bien. Et puis là, il y a des soirs, il n'a pas voulu sortir. Et ça, j'en suis parvenu. Et alors, il a fallu, toute proportion gardée, il y a des choses infiniment plus tragiques, il a fallu que je réapprivoise l'existence post-Don Quichotte, quoi. Et ça a été une petite convalescence longue. On pense un temps à le remplacer, mais l'absence de Jean Rochefort n'est même plus le souci principal. Non, le tournage a pris beaucoup de retard, les emplois du temps des différents acteurs ne pourront plus correspondre. Phil Patterson, l'assistant réalisateur de Terry Gilliam, a déjà jeté l'éponge depuis plusieurs jours. Le budget est complètement insuffisant, les financiers se montrent hésitants et commencent à fuir ce qu'il faut bien appeler maintenant une galère. Terry Gilliam est à bout de force. Pour lui aussi, le rêve s'est fracassé sur cette succession d'imprévus, de difficultés, de malchances. Quelques jours après l'annonce du retrait de Jean Rochefort, le tournage est annulé. Voilà, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'eût été sans compter sur Terry Gilliam, qui en fait une affaire personnelle. Non, il ne cédera pas dans son duel face à Don Quichotte. Beaucoup le comparent au héros de Cervantes, baigné dans ses illusions et affrontant des moulins à vent, c'est tentant. Lui se voit en Sancho Panza, le réaliste, le raisonné, qui accompagne Don Quichotte. En 2009, il tente une nouvelle fois de tourner avec Robert Duvall et Ewan McGregor. Annulation quelques mois avant le début du tournage, faute de financement, ça recommence. L'année suivante, il rachète les droits du projet et il écrit de nouvelles versions. Là, fini le publicitaire transporté dans le temps, le personnage est remplacé par un cinéaste essayant désespérément d'adapter le roman de Cervantes. Alors, une mise en abîme pour conjurer le sort? Eh bien, sans grand succès. En 2014, nouveau casting et nouvelle tentative, John Hurt et Jack O'Connell pour les deux rôles principaux. Le financement est bouclé, le tournage annoncé. Mais quelques semaines avant, on diagnostique un cancer pour l'acteur de Don Quichotte. Puis arrive ce festival de Cannes 2016 et la fin du tournage, un an plus tard. Alors cette fois c'est bon, le film est dans la boîte. Et pourtant, on l'a appris au printemps dernier, Paolo Branco intente une action en justice contre Terry Gilliam. Selon lui, il est seul détenteur des droits de ce film enfin terminé et il menace de s'opposer à sa sortie sur les écrans. Non, décidément, il semblerait que l'ombre de Cervantes et de son héros plane toujours sur les rêves artistiques du pauvre Gilliam. Un mot. Un seul résume ce genre de situation, malédiction. Une scène à la fin que je vais vous raconter en 3 mots. Il a tout fait, Don Quichotte, pour qu'enfin il puisse mourir. Ça fait 400 et quelques années qu'il est sur la Terre, il en a marre. Il est le gardien de l'utopie. Sans l'utopie, c'est ce que racontait Terry Gilliam et son co-auteur, le monde ne marchera pas. Il faut conserver l'utopie, c'est un diamant. Maintenir l'utopie sur la planète, c'est du boulot. C'est ça que ça raconte. Donc c'était un film essentiel. Just like an old man, I play my lonely song. Just like an old man, I play to get along. I got my own style, you got your own style. I got my own style, you got your own style. Dans l'allée tout au fond, à six pieds sous terre. À deux on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? Mother tongue, comme moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. So, écoute. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux, poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le Don Quichotte de Terry Gilliam, maudit sois-tu. Notre invité, Michel Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien du cinéma, auteur du livre Les films maudits, publié chez Armand Collin en 2010. Et vous êtes à Dijon, dans les studios de France Bleu Bourgogne, que nous remercions pour leur accueil. Alors, dans votre livre, vous intéressez donc aux films maudits, ces films qui jalonnent pourtant l'histoire du cinéma. C'est quoi un film maudit? Bon, on vient de raconter l'histoire d'un film maudit, on en voit bien les ingrédients, mais ils ne sont pas tous maudits pour la même raison, j'imagine. Non, bien sûr, ça dépend de la malédiction au moment où elle intervient, soit donc au niveau du tournage, de la préparation, ou bien même quand le tournage s'est bien déroulé, ça peut intervenir après. C'est souvent le cas quand il y a un conflit très explicite entre le réalisateur et le producteur. Mmh. Des très grands films ont été complètement défigurés, par exemple, la production, parce qu'on voulait les raccourcir. Enfin, l'exemple le plus connu, c'est celui des Rapaces d'Eric von Stroheim, mais c'est un exemple historique de 1923, mais depuis, ça n'a jamais cessé. Donc, je crois que récemment, vous avez parlé des Amants du Pont-Neuf, ah oui. Et c'est aussi un film qui a été maudit pendant un certain nombre d'années à la suite de péripéties de tournage, aussi catastrophique que celle du film de Gillian. On peut citer aussi Apocalypse Now, qui était compliqué, Aguirre, la colère de Dieu, ça a été aussi très compliqué. Alors ça, c'était au niveau du tournage. On a l'impression quand même que ce Don Quichotte de Gillian, et d'ailleurs pour avoir raconté d'autres histoires de cinéma maudit, on l'a fait dans Affaires Sensibles, on a l'impression que celui-là, il recense quand même tous les emmerdements, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, ça, c'est un must dans la matière. Il a cumulé tout ce qu'il pouvait... Ouais. intervenir, donc des problèmes financiers, des problèmes de préparation de tournage, des problèmes de studio catastrophiques, enfin la base aérienne avec les avions, et puis donc pour couronner le tout, donc l'accident, enfin la sciatique de Jean Rochefort, ça a été catastrophique, ouais. Et puis tout récemment donc le conflit avec le producteur, oui. Paolo Branco. On y reviendra en fin d'émission pour savoir quel est l'avenir prévisible de ce film, si enfin on le verra un jour. Alors oui, effectivement, vous parliez de Rochefort, c'était vraiment une grosse tuile, parce que Gilliam semblait vraiment avoir trouvé l'interprète idéal, hein, on imagine ce que ça aurait pu donner. Oui, oui, ça, c'était le rôle de sa vie, ça, il avait bien senti, parce que il a rarement eu le rôle principal, même, enfin, ça lui est arrivé dans quelques films français, mais plutôt des comédies ou des films d'espionnage, des policiers. Mais là, c'était un rôle extraordinaire pour lui. Mmh. Et en effet, il avait la silhouette et les capacités pour faire un très grand Don Quichotte. Hein, donc, puisque il faisait de l'équitation, ça lui a pas porté bonheur. c'est cet œil rieur, hein, malicieux. D'ailleurs, vous avez entendu dans le récit le producteur René Kletman qui a dit, mais moi j'ai, ce qui m'a fait dire oui, c'est justement le choix de Rochefort. On va écouter encore Kletman, René Kletman, qui parle justement de Rochefort. Ensemble, on l'écoute. Jean est un des acteurs les plus talentueux que la France ait connu dans les années 60, 70, 80. Bon, il a une réputation en France qui est extraordinaire, mais il a fait des grands succès de comédie. Il a fait des films très intéressants de créateurs, d'auteurs, etc., qui eux ont eu moins de succès. Donc il est surtout connu pour ses succès dans des comédies. Mais disons que Jean est un acteur qui, malgré sa dimension, était resté à l'intérieur des frontières françaises. Et donc pour lui, c'était la première fois, et quand on arrive à son âge, sans doute une des dernières, où il avait l'occasion de faire quelque chose d'exceptionnel qui couronnait justement sa carrière. Donc pour lui, c'était extrêmement important. Michel-Marie, quel est vous, spécialiste de cinéma, votre regard sur l'acteur Rochefort? Oui, je pense qu'il est, il caractérise très bien une certaine forme de cinéma français des années 60 jusqu'aux années 2000. Hein, donc, il a eu parfois des rôles de second rôle, mais aussi des premiers rôles dans des comédies, dans des films d'espionnage. C'est un très bon acteur qui peut interpréter ses rôles avec beaucoup de finesse. Et c'est vrai que le rôle de Don Quichotte, c'était génial pour lui, parce que dans une coproduction européenne, avec un tournage en Espagne, parler en anglais, et puis Johnny Depp, c'était un partenaire extraordinaire. Il succédait à des acteurs mythiques, donc par exemple Charlie Chaplin dans la version de Pabst de 1932, ou bien carrément le grand acteur russe Nicolas Tcherkassov qui interprétait Don Quichotte dans la version de Kosintsev. Ça, c'était exceptionnel. Hein. Donc, et je pense que Rochefort aurait très très bien pu être à la hauteur du rôle. On est obligé de faire un peu d'art fiction, puisque le film n'est pas sorti. À votre avis, il aurait fonctionné? Il y avait tout pour qu'il fonctionne. Ça pouvait que rencontrer son public, ce film-là, tel que Terry Gilliam l'a imaginé. Oui, avec le casting, sans aucun doute. Oui, Vanessa Paradis, Johnny Depp, Rochefort, et puis le style de un peu burlesque de Gilliam, ça pouvait très bien fonctionner. Ça allait, ça a coïncidé à l'univers de Cervantes, à l'esprit du livre. C'est ça. La rencontre, en gros, de Monty Python et Cervantes, ça pouvait bien aller ensemble, effectivement. Oui, il y a une dimension parodique, burlesque, extrêmement comique dans le texte de Cervantes. Oui, donc c'était pas du tout gênant. Michel-Marie, ne quittez pas surtout, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Olji. Summer, summer, summer, kiss me. above crowd. So fuck you loud, mister. Michel Marie, invité de l'Affaire Sensible aujourd'hui, qui raconte l'histoire de ce film jamais sorti, film de Terry Gilliams, Don Quichotte, l'homme qui tue Don Quichotte. Je rappelle que vous êtes historien du cinéma, auteur du livre Les Films Maudits, publié chez Armand Collin en 2010, et vous êtes à Dijon. Alors, on a raconté pendant ce récit à quel point Gilliam s'est tourné avec enthousiasme vers l'Europe pour faire financer son film, délaissant Hollywood, estimant que en Europe il y a plus d'ouverture, que c'est plus facile, d'abord qu'il y a une mosaïque de pays, qu'on peut en prendre un petit peu là, et puis un petit peu là. C'est vraiment le cas, aujourd'hui encore ? Plus facile ? Oui, c'est-à-dire que ça dépend du type de film. Comme il l'indiquait tout à l'heure, adapter un roman historique du XVIIe siècle qui se passe en Espagne, c'est beaucoup plus difficile à monter aux États-Unis. Qu'en France ou bien en Allemagne ou en Angleterre. Si c'est un film ambitieux en termes intellectuels, il a beaucoup plus de chances de fonctionner en Europe, comme par exemple les films de Visconti. Et moi, je vois pas du tout, par exemple, le Guépard, ouais, qui est un film extraordinaire, donc avec Lancaster, pouvoir être produit aux États-Unis à l'époque en 63. Enfin, aucun producteur n'aurait mis des dollars sur un film italien tel qu'il se déroule en Sicile à l'époque au 19e siècle. Eh ben tant pis pour eux. Alors, puisqu'on parle des Américains, on va parler d'Orson Welles, qui s'est confronté, lui aussi, et sans succès, à Don Quichotte. Alors, on n'est pas forcément mystique ici, mais on se demande s'il n'y a pas, comme ça, des mauvaises ondes envoyées par Don Quichotte depuis son siècle. En tout cas, Welles est une sorte de personnage typique, lui aussi, du réalisateur maudit, ou du moins du réalisateur hors système. Et on va l'écouter, tiens, lorsqu'il parle d'Hollywood, Orson Welles. Le problème avec Hollywood, ce n'est pas l'argent, ni les éclats entre personnalités. C'est que les films que j'aime faire ne sont pas ceux que les producteurs d'Hollywood veulent faire. Et cette légende qui vous colle à la peau depuis des années, selon laquelle vous dépasseriez toujours vos budgets et vos temps de tournage. Je n'ai jamais fait ni l'un ni l'autre. Ce qu'on raconte vous contrarie ? Ça me contrarie beaucoup trop. Mes amis les plus chers ne cessent de me répéter de ne pas ressasser tout ça. Ça me dérange beaucoup. Ces critiques sur mon comportement, je ne parle pas des critiques sur mon travail, les mensonges qu'on répand sur moi m'importent beaucoup trop. J'ignore pourquoi ça me touche tant. Voilà, si on a écouté Orson Welles, d'abord parce que c'est toujours un plaisir, c'était vraiment un grand monsieur, mais aussi peut-être, alors je ne sais pas si vous partagez cet avis, peut-être que Gilliam a un peu la même image finalement qu'Orson Welles, et que peut-être il en joue un petit peu aussi, non ? Oui, je ne pense pas qu'il ait la même envergure. Non, je parlais d'image. En tant que créateur. Hein, oui, mais l'image, oui. L'image d'un réalisateur difficile, qui pose des problèmes d'organisation, de dépassement de budget, ça, sans aucun doute. Mais justement, les producteurs utilisent ces mauvaises réputations pour essayer de contrôler les tournages en termes budgétaires. Carax, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Il avait une réputation de personnage un peu difficile qui respectait avec jamais les amants, avec les amants du tournage. Mais bon, c'est même arrivé à Hans Einstein quand il a fait Que Viva Mexico. Donc, pour Welles, je crois que enfin le seul film qu'il ait pu entièrement contrôler de A à Z, c'est le Citizen Kane. Oui. Après, il n'a eu que des problèmes avec les producteurs tout au long de sa carrière. Ben, il a réussi à en terminer comme il le voulait, comme Le Procès, par exemple, en France. Si on prend La Soif du Mal, qui est un film extraordinaire, bon, heureusement qu'il était soutenu par Charlton Heston, qui était coproducteur du film, sinon le film aurait été remonté derrière son dos, comme pour La Dame du Shanghai, qui est un grand classique, mais ça a été terrible. Donc, on lui a imposé un montage qu'il ne voulait pas. Ouais. Alors, Guilliam disait, à propos de Brasil, hein, parce qu'on rappelle qu'il a fait Brasil, L'Armée des Douze Singes, ouais. Il disait, l'aliénation du personnage principal dans Brasil, c'est moi contre le système, ou plutôt le système qui se dresse contre moi, qui préférerait franchement travailler dans des meilleures conditions, sans qu'on vienne m'emmerder en permanence, et ce Don Quichotte auquel je pense si souvent, c'est un peu aussi ce que je suis devenu. Voilà, je bataille contre des moulins à vent, encore et toujours. Alors, au-delà de ça, quel est votre regard maintenant sur l'œuvre de Terry Gilliam? Est-ce que c'est un grand cinéaste, ou seulement un bon cinéaste, disons intéressant? Bon, c'est un cinéaste plutôt inégal, c'est-à-dire parfois ça fonctionne très bien. Moi, j'aime bien L'Armée des Douze Singes, que je trouve assez réussi comme nouvelle relecture de l'histoire de la jetée. Donc, d'autres films m'enthousiasment un peu moins, mais donc ce sont des paris. Alors parfois il est réussi, puis d'autres fois ça marche moins bien, quoi. Alors Paolo Branco, est-ce que c'était vraiment le producteur qu'il fallait prendre? Est-ce que cet alliage déjà ne paraissait pas un peu fragile entre Guilliam et Branco? Je dis ça parce que ça s'est mal terminé avec Branco précisément. Oh ben, peut-être, mais enfin, Branco a quand même, il a fait ses preuves, hein, donc il a produit plus de 150 films, certes, peut-être des films un peu plus intellectuels que ceux de Gilliam. Il a produit Manuel de Oliveira, Raoul Ruiz, des jeunes cinéastes français, mais il a même produit des gros budgets, donc au Portugal. Donc il pouvait très bien réussir le pari de faire ce Don Quichotte avec Terry Gilliam. Je pense que le film finira bien par sortir. Alors justement, là, on y arrive. On y arrive. Dernier épisode en date. On est passé vraiment à deux doigts de le voir, ce film. Et vous pensez que qu'on le verra quand même au bout du compte? Oui, parce que le film est terminé. Hein. Donc il y a aucune raison qui sort. Enfin, il y a des raisons juridiques et financières, sans aucun doute, les avocats de Gilliam et de Paolo Branco trouveront une solution pour que le film soit distribué. Hein. Donc les films qui sortent pas, ça arrive. Hein. Bon, le film de Jerry Lewis le clown dans les camps de concentration, pour l'instant il est bloqué, mais il a demandé aux Américains de le sortir 10 ans après sa mort, mais je suis certain qu'on le verra un jour aussi. Bon, en tout cas on pourra dire que c'est un film attendu, hein. Quand on le verra, c'est ça. On en parlera ensemble. Merci Michel Marie, merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.